De Géodame pour ne rien dire. Œuvre publiée sous licence Creative Commons BY-NC ND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net. Enregistrée par Christiane Jehan. Pour ne rien dire. Détendez-vous. Ne pensez à rien. Qu'elle a dit la coach en relaxation? Oh, délicieuse vacuité, si éphémère, plus facile à dire qu'à faire. Rien, pensez à rien. Avec toutes les pensées qui viennent à l'assaut de mon crânibus, comme un château fort à prendre. Les yeux fermés, sur l'écran intérieur d'un noir incertain de mes paupières, s'inscrit le mot « rien » en noir et majuscule. Je me répète, rien, je pense à rien. Comme un mantra. Des flammes s'échappent des lettres, qui rougissent comme des braises. Je chasse l'image, je m'efforce de visualiser rien en minuscule, en script ou en attaché, avec une majuscule enroulée sur ses pleins et déliés, écrit à la craie sur un tableau noir, tracé dans le sable mouillé d'une plage. Rien que la représentation du rien, sous toutes ses formes, me distrait. Je ne suis pas en train de penser à rien, puisque je visualise rien. La coach se déplace entre les corps allongés, le pas silencieux, mais j'entends sa voix qui se rapproche. Elle blablate pour rien, énumérant chaque partie de notre anatomie pour la réduire à rien. Mollement étendue sur des tapis de gym, de minces mousses qui ne protègent de rien, ni du froid du sol, ni de l'air frais qui tombe du plafond. Rien, cela me fait penser à ce défi du rien lancé sur Atramenta. Silence, je dois oublier ce partage né d'une réflexion de celui qui ne se prend pas pour rien, qui nous a traités, nous, gens de rien, de moins que rien. Et ne rien dire en 500 mots, ça en fait beaucoup pour rien, n'est-ce pas? Derrière mes paupières, rien se fond dans ce paysage que parfois j'aperçois du coteau, lorsque le brouillard a bouffé au loin le pont, les arbres, le fleuve, il n'y a plus rien, sauf un matelas blanchâtre et incertain. La vision de mon frigo quasi vide s'impose et le mot « rien » vient s'inscrire. Si je veux manger, il faut… Mais il n'y a presque plus rien dans mon porte-monnaie. Je vais devoir me contenter de petits riens. Bah, c'est rien. Après la relaxation, je vais… Rien, je ne dois penser à rien. À nouveau, le mot s'inscrit en lettres de feu sur mes paupières, mais je retiens un rire. Un ronflement proche témoigne qu'un participant est parti au royaume du rien. Il ne pense plus à rien, il rêve. Mine de rien, c'est fort difficile de méditer, sans médire, sans dire, sans réfléchir. Empêcher tout mot, toute idée, toute pensée de venir chasser le rien, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien faire non plus. Après ce temps sans rien, sans activité consciente, veux-je dire, il s'en trouvera bien quelques-uns pour dire que ça leur a fait du bien, d'autres que ça n'aura rien fait. Je ne dirai rien. Déjà, j'en ai trop écrit, et l'on me dira de me taire. Tout ça pour ne rien dire. Ici se termine « Pour ne rien dire » de Géodame. Musique de Pascal Krieg, du site Musique Libre. -cc.fr. Tout droit réservé.